100 000 ans environ, sur le site de Kafze, dans l'actuel Israël, étaient enterrés des individus appartenant à l'espèce Homo sapiens. À ce jour, il s'agit de la plus ancienne tombe reconnue comme telle par la communauté scientifique. Ce témoignage d'une pratique funéraire des origines soulève une foule de questions sur les premières sociétés humaines. Quels étaient leurs modes de vie et leur organisation sociale? Quelles étaient leurs croyances et quel sens donner aux objets accompagnant généralement les défunts? Ou encore tout simplement, pourquoi l'humanité a-t-elle décidé un jour d'honorer ses morts? Vous l'aurez compris, c'est à tombeaux ouverts que nous roulerons aujourd'hui pour remonter le temps et élucider les mystères des premières sépultures. Pratique funéraire, les débuts de la fin, c'est le programme funèbre mais ô combien passionnant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour remonter aux origines de ces pratiques funéraires tout au long de cette heure, j'ai le plaisir de recevoir ici en studio Sophie Debaune. Bonjour. Bonjour. Vous êtes préhistorienne, professeure à l'Université de Lyon et chercheuse au laboratoire Archéologie et Sciences de l'Antiquité à Nanterre. Avec nous également en duplex depuis les studios de France Bleu Gironde à Bordeaux, Éric Crubezy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'anthropobiologie à l'Université Toulouse 3 et directeur du laboratoire Anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse. Vous venez de faire paraître aux éditions Odile Jacob le livre « Aux origines des rites funéraires, voire cachés, sacralisés ». Mais avant de nous pencher sur les origines de ces pratiques funéraires, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver celle qui donne vie à l'actualité scientifique. Il s'agit, vous l'aurez reconnu, de Natacha Triou et de son journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec la première carte moléculaire du striatum. Le striatum, c'est la partie intérieure du cerveau qui régule notamment la motivation et les impulsions. C'est probablement la zone cérébrale la plus importante pour la prise de décision et elle tient aussi un rôle clé dans les phénomènes d'addiction. Dans cette étude parue dans la revue Cell Reports, une équipe suédoise a utilisé chez la souris le séquençage d'ARN à noyau unique pour créer cette carte. Cette carte moléculaire en 3D fait apparaître les cellules nerveuses ciblées par les opioïdes, comme la morphine ou l'héroïne, et montre comment ces cellules nerveuses sont organisées en différentes sous-régions. Pour approfondir notre compréhension du système de récompense du cerveau, c'est une première. On va pouvoir commencer à analyser la fonction de différents types de cellules nerveuses dans différentes zones moléculaires. Glenn Dalayrac est neurophysiologiste à l'Institut des neurosciences Paris-Saclay. Traditionnellement, il y a deux types de zones qui sont définies dans cette région, qui s'appellent les striosomes, qu'on peut appeler aussi patch. Et ces striosomes, en fait, ils sont définis par l'expression de certains marqueurs moléculaires par les neurones, notamment les récepteurs opioïdes, mu, et le récepteur à la dopamine, D1. Et la matrice, en fait, c'est la même chose. Il y a d'autres marqueurs moléculaires qui sont exprimés, et notamment le récepteur à la dopamine, D2. Mais ces différentes zones sont définies... Comme ça, de manière binaire. Et avec cette nouvelle étude, en fait, les auteurs indiquent, en fait, que un code peut être mis en place grâce à des marqueurs moléculaires. Certains marqueurs moléculaires vont coder pour un domaine spatial, c'est-à-dire une localisation de la cellule dans l'espace. D'autres marqueurs vont pouvoir coder pour quel type de neurone on a affaire. Et d'autres marqueurs vont pouvoir coder sur cette histoire de patch et donc de striosome et de matrice dont je parlais tout à l'heure. Grâce à ces trois types de marqueurs différents, chaque neurone dans cette région cérébrale va pouvoir avoir sa fonction et sa localisation de déterminer. C'est ce que propose ici cette étude. Donc en réalité, ça affine et complexifie en quelque sorte le code de la circuiterie qui était connue dans cette région du cerveau. Ça ne devient plus simplement un code moléculaire, mais un code spatio-moléculaire. Et on passe au bref. La NASA présente les images les plus détaillées de notre ionosphère. Des cartes postales du bord de l'espace, pour reprendre l'expression de la NASA. L'ionosphère, c'est la couche atmosphérique supérieure et elle est particulièrement complexe. Les gaz de l'atmosphère terrestre interagissent avec les rayons cosmiques et les vents solaires, où l'on observe une ionisation de ces gaz. Ici, ce sont les données de deux missions de l'agence, celle du satellite GOLD et du satellite ICON. Et des observations surprennent les géophysiciens. Lorsqu'une tempête solaire frappe la Terre, par exemple, l'oxygène atomique devient plus rare aux hautes latitudes et se développe aux basses latitudes, tandis que l'azote fait l'inverse, l'azote se densifie aux hautes latitudes et se raréfie aux basses latitudes. Selon une étude parue dans PLOS ONE, en 2100, les besoins caloriques de la population mondiale vont augmenter de 80%. Et c'est la conclusion d'une équipe allemande. Elle s'appuie sur des études récentes qui montrent que la croissance démographique va entraîner une augmentation massive de la demande mondiale de nourriture. Des chiffres auxquels il faut ajouter l'augmentation du poids humain lié à la croissance de l'IMC et de la taille de l'ensemble de la population. En cas d'échec d'une politique alimentaire mondiale, je cite ce rapport, cette augmentation de la demande de nourriture aura pour effet d'exacerber les inégalités alimentaires. Et enfin, des chercheurs canadiens viennent de découvrir les plus vieilles preuves fossiles du comportement parental chez les animaux. Et ils ont découvert sur l'île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, deux squelettes de varinadés, proches du varan. Un adulte et un petit, tous les deux vieux de 310 millions d'années. Le fossile adulte semble être dans une posture protectrice. Derrière sa patte arrière et encerclé par sa queue, se trouve un petit crâne. Les détails en sont à retrouver dans leur revue Nature Ecology and Evolution, mais cette découverte est une preuve supplémentaire que les soins parentaux sont arrivés tôt dans l'histoire évolutive du vivant. Merci beaucoup Natacha Triou, on vous retrouve demain pour le Journal des Sciences. Vous pouvez retrouver comme tous les jours les informations données dans le Journal des Sciences, mais aussi celles qui seront données dans l'heure qui vient en suivant notre fil Twitter @laméthodefc, ou encore en vous rendant sur notre site franceculture.fr. Alors, je le disais en introduction, les premières traces avérées de pratiques funéraires qui font consensus remontent à environ 100 000 ans. Un geste funéraire qui nous semble aujourd'hui normal, celui de l'inhumation, n'a pourtant pas existé de toute éternité. Alors, avant de nous avancer dans ce difficile travail interprétatif des premiers gestes funéraires, j'aimerais qu'on commence notre voyage aux origines de ces pratiques funéraires par un travail nécessaire de définition. Et tout d'abord, Sophie de Beaune, qu'est-ce qui définit une sépulture ? Déjà, une sépulture, donc, c'est un endroit où on a inhumé une personne. Et donc, il faut qu'on arrive à mettre en évidence le fait qu'elle a été inhumée intentionnellement. Puisqu'évidemment, toute la difficulté consiste à savoir si c'est une inhumation voulu, intentionnel, fait par l'homme, ou bien si l'individu est mort et son corps a été abandonné sur place. Et c'est d'ailleurs cette difficulté qui fait que les premières inhumations retrouvées dans la première moitié du XXe siècle ont été fortement controversées parce que on ne connaissait pas bien les circonstances de la découverte, les traces d'éventuelles fosses n'avaient pas été indiquées. Et donc, c'est pour ça que ces premières sépultures, premières découvertes de sépultures, sont aujourd'hui controversées. Mais depuis les années 50, on a quand même énormément amélioré les techniques de fouilles et aussi les techniques de relevé. Mmh. C'est-à-dire qu'on note tout, on note la position des corps, on prend énormément de photos, tout est indiqué. Et donc, on peut retrouver très précisément la position des défunts au moment de l'inhumation. Et donc aujourd'hui, on peut dire absolument sans problème, on peut savoir si on est ou non en face d'une inhumation intentionnelle et volontaire. Quand on parle de sépulture, il y a toute une typologie également de sépulture. Alors quels sont les grands types de sépultures connues et établies, reconnues aujourd'hui ? Vous avez d'une part le nombre d'individus qui compte, c'est-à-dire si vous avez un seul individu, c'est une sépulture simple, puis deux doubles, trois triples, etc. Ensuite, vous avez les sépultures collectives qui peuvent être différées ou non. C'est-à-dire différées, c'est-à-dire que c'est une sépulture collective dans laquelle on va rajouter un corps à chaque nouveau décès. C'est le cas, par exemple, des sépultures collectives mégalithiques du néolithique, mais il n'y en a pas aux périodes plus anciennes, paléolithiques. Et puis, vous avez les sépultures collectives simultanées en cas de massacre ou en cas d'épidémie, donc un nombre plus ou moins important de personnes qui vont être inhumées simultanément. Il y a aussi ce qu'on appelle les sépultures primaires, sépultures secondaires. Alors ça, c'est une autre chose. Sépulture primaire, une personne est décédée, on l'enterre et on n'y touche plus. Et plusieurs années après, plusieurs milliers d'années après, nous allons la retrouver telle qu'elle, ou à peu près, puisqu'il peut y avoir des animaux fouisseurs, il peut y avoir des phénomènes qui se sont produits dans la tombe, mais il n'y a pas eu réintervention humaine. Et dans le cas de la sépulture secondaire, il y a eu réouverture de l'inhumation et réintervention humaine qui peut être intentionnelle ou non. Ça peut être inintentionnel si par exemple on veut faire de la place, ce qu'on appelle une réduction de corps, on va pousser les corps sur les côtés pour faire de la place, mais il n'y a pas d'intention particulière. Par contre, il peut y avoir dans certains cas prélèvement d'ossements ou au contraire rajout de quelque chose. Donc là, on a affaire à ce qu'on appelle en ethnologie les doubles funérailles, c'est-à-dire que la cérémonie funéraire se fait en deux temps. Une première cérémonie a lieu juste après la mort de l'individu. Puis il peut se passer un certain temps, quelques semaines, quelques mois, voire plusieurs années, cette période correspond en général au deuil, la période de deuil des proches. Et puis on va faire une seconde cérémonie. Et là, selon les sociétés, ça prend de multiples formes. Mais en archéologie, en préhistoire, on peut voir ça très bien quand on retrouve des os dans des positions complètement aberrantes qui sont pas du tout naturelles. Oui. Je pense par exemple à la chaussée Tirancourt, un site du Mésolithique dans lequel on a une petite fosse avec des os longs, fémur, radius, cubitus, etc. Les os longs qui sont posés les uns sur les autres parallèlement et le crâne par-dessus. Donc évidemment, ça n'a pas pu se faire tout seul. Éric Rubézy, quand on pratique une fouille archéologique, quels sont les indices qui nous permettent aujourd'hui d'établir avec certitude qu'on est face à un geste funéraire aux époques dont on parle, le paléolithique pour commencer ? C'est toute la difficulté, parce que Sophie Debonne l'a rappelé, quand on est face à des sujets qui sont dans des fosses, avec une position, je dirais, sur le côté, où on voit que le squelette a été arrangé in situ, ça pose pas de problème. La question se pose pour des sépultures qui peuvent être plus anciennes. C'est ce qui se passe, par exemple, pour les sépultures qui ont plus de 350 000 ans, donc pour lesquelles il y a une discussion, et où de nombreux sujets, par exemple à la Cima de los Huesos, en Espagne, ont été déposés ou jetés dans une cavité par un puits. Alors là, évidemment, tous les os sont mélangés, parce que ce sont des sépultures qui, par ailleurs, sont très anciennes. Et c'est simplement la distribution du nombre de sujets, le fait qu'ils aient été déposés, on les retrouve dans une grotte et qu'il n'y a pas d'explication naturelle, qui fait évoquer une sépulture. Sophie On a la même chose en oui. Afrique du Sud. Sophie Debonne, il y a tous ces éléments-là. Vous tordiez un tout petit peu du nez quand Éric Rubézy évoquait déjà. Ça montre bien qu'il y a les données archéologiques. C'est très compliqué. Et puis après, ce qu'on en fait, il y a une interprétation nécessairement. En parlant et dans le cas de la Cima de los Huesos, moi, j'avoue que je suis assez sceptique. Mm-hmm. Perplexe et sceptique. Parce que c'est un aven, c'est une cheminée de 13 mètres de profondeur dans laquelle on a retrouvé 28 individus qui ne sont pas en connexion, mais on a tous les os, donc on sait qu'ils sont tombés entiers, et on a également beaucoup d'animaux. Mais il faut savoir que cette cheminée s'est remplie pendant une période de 300 000 ans, de moins 600 000 à moins 300 000. Donc, si on imagine que ces gens sont tombés accidentellement dans cette avène, c'est pas tellement étrange qu'une fois tous les 10 000 ans, quelqu'un soit tombé dans cette cheminée, peut-être peu visible en surface, sur la surface du plateau. Donc pour moi, c'est plus quelque chose de l'ordre de... Je ne vois pas de traces, je ne vois pas d'arguments convaincants pour dire qu'il s'agit d'un dépôt intentionnel. Alors le seul argument qu'avancent les découvreurs, c'est qu'il y a un biface en quartzite intact qui n'a pas servi. Qui n'a pas été utilisé. Et c'est le seul outil que l'on retrouve. Mais ceci étant, il faut bien m'imaginer que les gens à cette époque-là, et même pour des périodes plus récentes, avaient un équipement avec eux qui était à 98% un équipement dans des matériaux qui ne se conservent pas, du bois ou des végétaux, etc. Donc qu'il y ait un seul outil sur une telle quantité, après tout, ce n'est pas si choquant. Et s'il n'a pas servi, ma foi, il faut bien qu'on ait un jour un outil neuf avant de l'utiliser. Donc, on peut très bien imaginer qu'une personne avait un outil sur elle qu'elle venait juste de se tailler et puis qu'elle a eu cet accident. Elle est tombée. La malchance, elle est tombée dans ce trou. Donc, pour moi, c'est pas un argument. Je ne dis pas que. Mais ça révèle bien la complexité d'interprétation endroits-là où on a des dépôts d'ossements. On ne sait pas si c'est des dépôts volontaires ou si c'est juste accidentel. En tout cas, ça nous ramène à une question essentielle pour cette période-là. C'est que on peut établir la présence d'une pratique funéraire seulement à partir du moment où il y a une inhumation. Mais pour tout ce qui est d'autres types de pratiques funéraires, on n'en a aucune idée pour le paléolithique. Donc il faut vraiment attendre 100 000 ans, Kavzé, ou 92 000 ans avec Skoul, donc ce sont deux grottes qui sont en Israël, où là, on a véritablement présence de fosses, de personnages inhumés, parfois avec des objets qui les accompagnent. Et là, il n'y a pas de doute sur la peut-être qu'on peut décrire justement ces sites-là et qu'est-ce qu'on y trouve, qui on y trouve. Alors, en général, pour tout le paléolithique supérieur, il y a quelque chose d'assez surprenant, je pense qu'Éric Rubézy sera d'accord avec moi, c'est qu'il n'y a pas de sélection des défunts. On trouve des hommes, des femmes et des enfants, des vieillards aussi, et des enfants parfois extrêmement jeunes, des nourrissons. Mmh. Donc ça veut dire que c'était quelque chose qui n'était pas réservé à une classe particulière de la population. Mais en revanche, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on ne connaît que, pour le paléolithique supérieur, une centaine de sépultures pour toute l'Europe. On y viendra. Voilà, et pour une durée qui fait 30 000 ans. Ce qui veut dire que quand même, même s'il n'y avait pas une sélection d'âge ou de sexe, et il y avait quand même une sélection dans la population, puisque tout le monde n'avait pas droit à être inhumé. Éric Rubézy, sur cette période du paléolithique et sur cette absence d'autres types de pratiques funéraires que l'inhumation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? On est ciblé. Pour cette période, on a quand même beaucoup d'ossements qui sont des ossements épars. Et certains d'entre eux présentent des stries de décarnisation, c'est-à-dire qu'on voit que les squelettes, ou les cadavres ont été, les muscles, les fragments de ce qui restait des muscles ont été sectionnés. Et il y a donc cette question, si vous voulez, d'une part, qui est celle du cannibalisme, qui est parfois... Un cannibalisme rituel dans ce cas-là ? Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être soit de l'exocannibalisme, c'est-à-dire le fait de manger ses ennemis, soit ça peut être de l'endocannibalisme, qui est un cannibalisme rituel. C'est-à-dire quand quelqu'un décède, il va être mangé, pas forcément par ses proches, mais souvent dans ce qu'on en connaît, pas avec toute une série de rituels. Et à ce moment-là, effectivement, le sujet est découpé. Mais il peut y avoir aussi des sépultures secondaires, c'est-à-dire ce dont on parlait en introduction, qui sont des sépultures où le cadavre peut être par exemple laissé à l'extérieur, et ensuite on va le récupérer. Au moment où on le récupère, on va nettoyer les os, et en les récupérant, laisser des traces par-dessus, et on peut récupérer que certains os, si vous voulez. Ça, c'est quelque chose qui est bien documenté en ethnologie, et il y a beaucoup d'exemples paléolithiques qui évoquent ces éléments. Alors c'est difficile, parce que il faudrait avoir toute la chaîne, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir le cadavre de départ, auquel on a prélevé le crâne, par exemple, tandis que là, on va se retrouver qu'avec un crâne isolé qui présente quelques traces. Je vous propose tout de suite d'écouter une archive. Il s'agit du paléo-anthropologue Marcel Ott. Il intervenait dans l'émission Les Chemins de la Connaissance, c'était le 5 septembre 2000. Là où les fouilles furent faites en Europe, et principalement en Europe occidentale, les Néandertaliens sont les premiers à enterrer. Mais nous ne pouvons pas dire, par exemple, qu'il n'y avait pas de sépulture il y a 100 000 ans en Asie, ni en Australie, ni en Afrique du Sud, ni partout ailleurs dans l'Ancien Monde. Donc nous sommes toujours, je vous rappelle, on en revient toujours à la notion dérivée de l'histoire, de l'historicité, comme on dit, de l'histoire de la science. Donc nous sommes déterminés par nos propres connaissances. Nos connaissances étant européennes, fatalement, les premières sépultures vont être dans le contexte néandertalien, puisque les Néandertaliens eux-mêmes sont européens. Certains de leurs collègues considèrent que si les Néandertaliens ont pu ensevelir leurs défunts, c'est justement parce qu'ils ont reçu l'idée d'hommes qui, eux, étant modernes, étaient extérieurs à l'Europe à ce moment-là. Donc vous voyez que la nuance existe de toute façon. Je ne pense pas qu'il faille trop insister sur les aspects évolutifs. Ceci dit, on ne saurait exagérer l'importance de la sépulture. Ça, sur le plan philosophique, sur le plan métaphysique, la sépulture, quel que soit le moment, y compris aujourd'hui, par exemple, dans nos sociétés, est fondamentale. Voilà, Marcel Ott, dans Les Chemins de la Connaissance, c'était en 2000. Alors, on voit bien... Sophie de Bonne, une réaction, allez-y, je vous en prie. Bon, je connais bien Marcel Ott, et je pense qu'il a raison de dire que les premières sépultures européennes sont néandertaliennes, puisque l'homme moderne n'était pas encore arrivé en Europe. Donc effectivement, on a des sépultures de 70 000, 60 000 ans avant l'arrivée d'homme moderne. Mais si on regarde plus largement, et donc les plus anciennes sépultures connues, pour l'instant, celles qui sont bien datées, c'est celle de Cavezet et de Skoul, ce sont des sépultures d'hommes modernes. Après, on a la sépulture de Hamout, qui est également en Israël, d'un néandertalien, mais c'est 80 000 ans. Mais ceci étant, on ne fait pas la course. Je veux dire, c'est pas très important. C'est pas une compétition. C'est pas une compétition de savoir qui a enterré ses morts avant, à peu d'importance finalement. Et effectivement, je le rejoins quand ils disent ce qui est important, c'est le fait sépulcral. Et il semble qu'il soit apparu chez les deux populations, peut-être pas exactement simultanément, mais quand même dans une fourchette chronologique assez proche. Alors, pour la période du paléolithique, vous l'évoquiez tout à l'heure, Sophie de Beaune, il n'y a pas beaucoup de sépultures identifiées. Combien on en a identifié qui sont le fait de Néandertal et combien sont le fait de Homo sapiens ? Alors, pour Néandertal, je pense qu'on en connaît à peu près une quarantaine, qui sont certaines. Et je dirais pour Sapiens, pour le paléolithique supérieur, hein, donc de 40 000 à, de moins 40 000 à moins 10 000, on en connaît à peu près une centaine. Et en gros, je dirais 300 restes humains en tout pour le moderne, mais disséminés. Ce qui est très très peu en fait. Ce qui est extrêmement peu, ce qui prouve que, enfin ce qui laisse supposer qu'il y avait très probablement d'autres pratiques funéraires qui n'ont pas laissé de traces. Oui. Soit la crémation en dehors du site, donc à l'air libre ne laissant aucune trace, soit l'abandon tout simplement du corps aux éléments naturels. Mmh. Éric Crubezy, on l'évoquait en début d'émission, le fait est aussi que les techniques de fouilles ont énormément évolué et que tous ces ossements ont été découverts plus ou moins au début de la pratique de la préhistoire, entre la fin du 19e, le début, la mi-20e siècle. Aujourd'hui, comment vous percevez ces fouilles-là? Est-ce qu'elles ont mal été réalisées? Comment ça s'est passé et comment ça a évolué justement? Mal réalisées, non. Elles ont été réalisées dans le contexte de leur époque. Bien sûr. La question qui se posait, c'est qu'effectivement, les restes humains pouvaient être interprétés directement comme étant ceux de associés à des sépultures. Alors qu'actuellement, justement, ce qui prime, c'est d'essayer de montrer s'il s'agit de sépultures, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des fosses. Parce que ce qu'il faut penser, c'est qu'au paléolithique, les possibilités de creusement étaient quand même assez faibles. Hein. Les pelles en fer qui nous ont permis de mettre des tombes à moins de 2 mètres de profondeur. Il ne faut pas négliger le fait non plus que le climat n'était pas le même et qu'a priori, quand le sol est gelé, c'est aussi assez, assez délicat d'inhumer un mort. Voilà, c'est assez délicat d'inhumer un mort. Mais actuellement, on s'attache donc à essayer de retrouver les fosses. Et je dirais qu'il y a aussi un autre indice, parce que Mme de Bonne discutait effectivement de savoir s'il y avait des sépultures, comme à la Cima de los Huesos, ou en Afrique du Sud, au Mona Lady, à 350 000, voire 400 000 ans, et qui font pas du tout partie de notre espèce. Et une des questions qui a été posée, puisque votre question était comment ça s'est passé au début, si vous voulez. Mmh. En fait, on voit bien que pendant très longtemps, les préhistoriens ont refusé la possibilité de sépulture aux Néandertaliens parce qu'on considérait qu'ils n'étaient pas du tout de la même espèce que nous. Depuis qu'on a montré qu'il y a eu des croisements entre modernes et Néandertaliens, en fait, ce débat s'est éteint de lui-même. Et en ce qui concerne Homo naledi, on a des restes qui sont retrouvés dans une cavité. Alors donc là, il n'y a pas d'indice, si vous voulez, qui montre qu'ils aient été déposés volontairement, etc. Parce qu'on est chose très ancienne avec des circulations d'eau. Mais la courbe démographique des sujets fait penser, si vous voulez, qu'on pourrait être face à quelque chose qui soit naturel. Mais pour d'autres auteurs, il y a beaucoup d'arguments qui seraient en faveur de dépôts volontaires, donc de sépultures. Et à l'heure actuelle, on voit bien que les méthodes de fouille, si vous voulez, ne posent plus de problème quand il s'agit de mettre en évidence des fosses. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il y avait effectivement avant les fosses, quoi. Et là-dessus, effectivement, c'est ce dont parlait Madame de Bonne, c'est la Cima de los Huesos avec cette découverte de ce fantastique biface qui est parfaitement bien taillé, qui n'a pas été utilisé, neuf, ouais. Voilà, qui n'a pas été utilisé, qui a été retaillé avec un percuteur tendre, et ça fait penser à un don, si vous voulez, à certains auteurs. Alors ensuite, effectivement, est-ce que un sujet est tombé à l'intérieur du trou avec ça? Ça peut pas être formellement écarté. La méthode scientifique, Antoine Beauchamp. À 16h24, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture et nous sommes en compagnie tout au long de cette heure de Sophie de Beaune, préhistorienne, professeure à l'Université de Lyon et chercheuse au laboratoire Archéologie et Sciences de l'Antiquité à Nanterre et en duplex depuis Bordeaux, Éric Crubezy, vous êtes professeur d'anthropobiologie à l'Université Toulouse 3 et directeur du laboratoire Anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse. Nous parlons tout au long de cette heure des pratiques funéraires et de leurs origines. Sophie de Beaune, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait du traitement qui était réservé aux morts, aux paléolithiques, comment ils étaient préparés et comment ils étaient accompagnés, on va dire, vers l'au-delà? On s'avance déjà un petit peu dans l'interprétation, mais comment ils étaient accompagnés dans ce moment particulier de la vie qu'est la mort? Alors, déjà, il faut dissocier ce qu'on sait sur les sépultures néandertaliennes, où il y a très très peu de traces de gestes funéraires, en tout cas très peu d'objets ajoutés. On a quelques cas cependant. Et par contre, au Paléolithique supérieur, on a beaucoup d'objets d'accompagnement. Alors, est-ce qu'on peut parler d'offrande ? C'est peut-être un grand mot. En tout cas, énormément d'individus sont ocrés, soit qu'ils aient été, soit qu'on ait enduit leur corps d'ocre rouge, soit que la fosse elle-même ait été tapissée d'ocre avant qu'on dépose les corps. Et puis, il y a énormément d'individus qui présentent de la parure, qui portent de la parure. Et là, il y a des disparités énormes avec des gens qui ont juste un coquillage perforé ou un collier ou quelque chose de très modeste. Et on a des sépultures avec une parure absolument extraordinaire. On peut évoquer ici le cas de Sungir. Et voilà, le fameux cas de Sungir, qui est un site donc qui se trouve en Russie, qui a livré entre autres la sépulture d'un homme de 35 à 45 ans, bon, appelé le vieillard, qui n'est pas si vieillard que ça, et puis une sépulture double avec deux enfants. C'est une longue fosse qui fait pratiquement 3 mètres de long, avec deux enfants couchés tête contre tête dans cette longue fosse, un garçon de 9-11 ans, et un enfant plus jeune dont on ne sait pas le sexe, dont on a pu déterminer le sexe. Et ce vieillard et ses deux enfants sont couverts de milliers et de milliers de perles. On en compte au total 13 300 perles en ivoire de mammouth qui ont été façonnées, fabriquées. On a fait des estimations, il a fallu entre 30 minutes et une heure pour fabriquer chaque perle. Donc on a estimé qu'il fallait 3 ans et demi de travail à temps plein, à raison de 40 heures par semaine, pour fabriquer toute cette parure qui était cousue sur des costumes, puisque on a étudié l'emplacement de ces perles. Et on voit qu'elles étaient cousues, et donc on a pu reconstituer ces costumes extrêmement complexes, avec également pour l'adulte des 350 canines de renard cousues sur les bords de son costume. Et les enfants sont accompagnés de lances aussi, de deux lances en ivoire de mammouth. Très grande taille, je crois. Très grande taille, de plus de 2 mètres. Ouais. Donc on se demande d'ailleurs comment ils ont fait, puisque les défenses de mammouth, voilà, c'est pas droit. Ouais, donc comment ont-ils fait pour les rendre droites? Ils sont accompagnés de bâtons percés, de statuettes, enfin, c'est extraordinaire. Et la chose la plus extraordinaire qui a été montrée, parce que l'étude a été reprise il y a pas très longtemps. Il a été découvert, cet homme de Sungir, dans les années 50, je crois. C'est une fouille des années 50-60, je crois, plutôt 60. Mais les sépultures ont été fouillées en laboratoire, c'est-à-dire elles ont été démontées et fouillées en laboratoire. Et quelque chose d'assez extraordinaire que Eric Trinkaus a remarqué, c'est que à côté du garçon, il se trouve un os long d'homme, d'adulte, qui a été scié, c'est-à-dire qu'on a que la diaphyse, la partie centrale, les deux extrémités ont été enlevées, et à l'intérieur, il y a de l'ocre rouge. Et on a fait des analyses ADN sur cet os, et il ne s'agit pas de quelqu'un d'apparenté aux enfants. Donc c'est quelque chose d'assez surprenant. Et là, on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose qui nous échappe, qui n'est pas purement matériel. Ce n'est pas une action uniquement sanitaire. Ce n'est pas possible. Il y a un autre élément dans cette tombe qui date d'il y a environ 30 000 ans. C'est, je crois, que l'adulte a été déposé sur des charbons ardents. Oui, c'est ça, exactement. L'adulte, alors on a des traces de brûlures sous le corps, et en particulier sous les os des pieds. Donc il a été placé, déposé sur un lit de charbon ardent. Donc c'est assez surprenant. Hein. Bon, ça, c'est une tombe qui est vraiment magnifique. On va partager des images sur Twitter. Éric Crubezy, Sophie Debaune l'évoquait à l'instant. Dans cette double tombe, il y a deux enfants qui sont placés tête contre tête. C'est une position, et sur le dos, visiblement. Il y a d'autres positions. Quelles sont les positions dans lesquelles étaient majoritairement inhumées les personnes au Paléolithique qui ont été découvertes? Au Paléolithique, comme pour le Néolithique, on a souvent des sujets qui sont couchés sur le côté. Je dirais même que l'inhumation sur le dos est assez rare, et c'est ce qui en fait encore plus l'intérêt de Sungir. Alors sur ces sujets déposés sur le côté, on a souvent tendance à dire que c'est une position fœtale, mais il faut se méfier parce que entre des sujets qui sont en hypercontraction et ceux qui sont simplement couchés sur le côté avec simplement les jambes un peu ramenées, il y a de grandes différences. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour les sujets qui sont en hypercontraction, on n'en a pas tant au paléolithique, c'est plutôt au néolithique. Et pour avoir ces sujets en hypercontraction, on sait qu'il fallait les ligoter. Et donc on a cette double chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on a face à des sujets dont des exemples ethnologiques, les gens ont tendance à dire que le sujet se retrouve comme quand il était dans le ventre de sa mère, et en même temps il est étroitement ligoté. Pour et éviter ça, aussi qu'il vienne perturber les vivants, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Mmh. Bien souvent, on retrouve cette idée de ligoter les morts pour éviter qu'ils reviennent perturber les vivants. Alors, savoir si c'était la même chose au Paléolithique, c'est toujours difficile. Mais on a tellement d'exemples ethnologiques qu'il est tentant de faire l'analogie, bien sûr. On reviendra en seconde partie sur tout cet aspect interprétatif très, très complexe quand il s'agit de pratiques culturelles au Paléolithique. Je t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu devinez que des dieux se cachaient sous les faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisés, les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Quand se mordant la bouche, le gluant revenait. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Immortel par Alain Bachung à 16h33 dans la méthode scientifique sur France Culture, puisque nous parlons de mort dans l'émission du jour et plus précisément des origines des pratiques funéraires du paléolithique au néolithique. Et nous en parlons avec Sophie Debaune, préhistorienne, professeure à l'université de Lyon et chercheuse au laboratoire archéologie et sciences de l'antiquité à Nanterre, et en duplex depuis Bordeaux avec Éric Crubezy, professeur d'anthropobiologie à l'université Toulouse 3 et directeur du laboratoire anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse. Alors, parmi les sépultures célèbres pour la période paléolithique, il y a celle dite de la Dame du Cavillon, morte il y a environ 24 000 ans. Et coup de chance, le crâne ainsi qu'un moulage du squelette de cette dame repose aujourd'hui au Musée de l'Homme à Paris. Avec Sarah Chouchan de Oliveira, qui était en stage avec nous la semaine dernière, je me suis rendu à la rencontre de Roland Nespoulet, préhistorien, enseignant-chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui nous a fait les présentations avec la Dame du Cavillon. Roland Nespoulet nous décrit cette sépulture et les ornements qui accompagnent la défunte. Il nous parle également d'un crâne retrouvé dans l'abri pâteau en France et de la diversité des pratiques funéraires au Paléolithique. Ce qu'on voit dans la vitrine, en fait, c'est un moulage d'une reconstitution très fiable de la sépulture. Puis au-dessus, on voit le crâne original. On va peut-être commencer par le crâne. Ce qu'on voit sur ce crâne-là, c'est des éléments de parure. Et ça est un élément important parce que la Dame du Cavillon, telle qu'on l'appelle maintenant, c'est un site qui est à la frontière franco-italienne, sur la commune de Grimaldi. Ça fait partie d'un ensemble de grottes des Baousset-Rousset. Maintenant, on sait que cette sépulture est datée d'environ 24 000 ans. Et elle a été découverte par Émile Rivière en 1872. Et 1872, c'est assez précoce dans l'histoire de la préhistoire. C'est à peine 4 ans après la découverte de Cro-Magnon. Et à ce moment-là, les préhistoriens ne sont pas encore tous d'accord sur le fait d'accepter que les hommes préhistoriques aient pu avoir des comportements, on va dire, symboliques, religieux, artistiques. Il y a encore tout un débat autour de ça, et il y a toute une partie des préhistoriens qui considèrent qu'il est impossible, parce que c'était des hommes archaïques, qu'ils aient pu avoir un sentiment religieux ou avoir enterré leurs morts. Qu'est-ce qui nous a permis de faire valider cette hypothèse selon laquelle on est en présence avec cette dame qui vivait il y a 24 000 ans d'un rite funéraire, hormis ces ornements qui sont présents sur son crâne de coquillages, de canines de cerf, c'est ça? Alors oui, il y a pas mal d'éléments. L'importance de cette sépulture de la Dame du Cavillon, c'est qu'il y a un petit peu tous les éléments qu'on est censé trouver dans une tombe. Le premier élément, c'est une fosse creusée. Donc on creuse une fosse et on dépose le défunt à l'intérieur et on rebouche la fosse. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on trouve le squelette en connexion anatomique, c'est-à-dire les os encore en position, très bien conservés. En fait, la tombe, c'est l'endroit idéal pour conserver un squelette. Et puis ce squelette, il raconte une histoire qui a notamment ses éléments de parure. Il y a pratiquement 200 coquillages qui forment une résille, une sorte de chapeau qui était sur le crâne de cette femme, ceinturé en fait sous forme de bandeau d'effectivement de canines de cerf, qui sont des éléments assez rares chez les cervidés, qui vient en fait parfaire, si on veut, cette coiffe. Il y a également, et on le voit sur le moulage, la reconstitution, juste à côté d'elle, un poinçon qui est fait dans un radius de cervidé, donc un bel objet en os. Et puis aussi, il y avait, pas loin de son crâne, deux grandes lames de silex, d'un silex dont on sait qu'il est rare dans la région, et que c'était donc des objets tout à fait particuliers. Donc là, si on fait le résumé, et pardon, un point important, aussi beaucoup d'ocre, notamment sur le crâne, on le voit très bien sur l'original, il y a encore des traces de rouge. Donc tous ces éléments, si on résume, une fosse volontaire, donc un dépôt intentionnel, un squelette bien conservé, des éléments de parure, de l'ocre, des objets qu'on peut qualifier d'offrande, tout ça, ça va dans le même sens de ce qu'en Occident on considère être comme une sépulture. Et c'est ça qui fait que Cavillon a été aussi importante dans le débat de l'époque pour reconnaître les pratiques mortuaires et religieuses au paléolithique. Alors là, on est donc, vous l'avez dit, face à une scène de rite funéraire typique, avec tous les éléments qui nous permettent de dire qu'on est face à un rite, à une pratique funéraire. Il y a d'autres pratiques funéraires et il y a toute une diversité de pratiques funéraires. Vous avez travaillé, vous, notamment sur l'abri Pateau, je crois. Là, on est dans une pièce où il y a un des crânes qui a été trouvé dans l'abri Pateau. Qu'est-ce que vous avez fouillé dans l'abri Pateau et qu'est-ce que vous avez découvert en lien avec ces pratiques funéraires? Alors, à l'abri Pateau, qui est situé en Dordogne, on est environ à 500 km des grottes de Grimaldi, et en particulier de la grotte de Cavillon. Donc, c'est pas très loin, finalement. On est à une époque, 2000 ans, c'est beaucoup, mais pour la préhistoire, c'est pas tant que ça. Et ces deux sépultures, si on peut les appeler comme ça, elles sont toutes les deux attribuées à une période qu'on appelle le Gravettien, qui est sans entrer dans les détails, c'est une culture européenne qui se développe entre moins 30 000 et moins 22 000 ans environ. Et à Pateau, nous, on a repris des fouilles, effectivement, pendant 10 ans. C'est pas nous qui avons trouvé le crâne, parce que ce crâne était trouvé en 58. Nous, on a fouillé dans les années 2010. Mais par contre, ce qu'on a redécouvert à Pateau, c'est le contexte de ce dépôt, qui, contrairement à Cavillon, et là, ça montre qu'il y a entre 25 000 et 22 000 ans, en France et en Italie, des pratiques funéraires extrêmement variables, pratiquement d'une tombe à l'autre, on trouve des choses différentes. Et à Pateau, il n'y a pas de fosse creusée, il y a un dépôt des corps, et d'ailleurs ils sont six à Pateau, six individus, alors qu'à Cavillon, en tout cas dans cette sépulture, c'est une sépulture individuelle. Et à Pateau, il n'y a pas de fosse, et il y a des manipulations qui ont été opérées sur les corps, et notamment le crâne, l'original qui est présenté actuellement au Musée de l'Homme, il a été déplacé par les hommes paléolithiques eux-mêmes. C'est une sorte de sépulture en deux temps. Alors qu'à Cavillon, c'est une sépulture en un temps. Alors comment on peut, à partir de ces différentes pratiques-là, interpréter la diversité? Quelles sont les hypothèses qu'on peut émettre justement sur cette diversité-là à si peu de temps d'écart? Alors d'un point de vue archéologique, parce qu'il y a également le point de vue anthropologique dont je ne parlerai pas, mais d'un point de vue archéologique, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a des centaines et des centaines de sites de cette culture gravettienne en Europe, et on a à peine une quarantaine de sites où il y a des sépultures. Et si on fait le compte à l'échelle européenne, encore une fois, il y a environ 40 individus qui correspondent à des dépôts intentionnels. Donc je vous rappelle les temps, hein, c'est des durées qui sont entre 6 et 7 000 ans. C'est toute la superficie de l'Europe occidentale, et on n'a que 40 squelettes ou sépultures pour en parler. Donc déjà, le document archéologique est une très grande rareté. Mais ce que racontent les sépultures, ou on va dire les pratiques mortuaires au Gravettien, outre cette diversité, c'est qu'il y a des choix, par exemple, il y a un peu plus d'enfants, par exemple, qui posent la question du statut des gens qui sont inhumés. Est-ce qu'ils avaient un statut social particulier? Certains préhistoriens pensent que oui, notamment quand on parle de 200 éléments de parure. Là, je reviens à Cavillon, qui sont sur la coiffe de cette jeune femme. on pense à quelque chose qui a une valeur particulière. C'est à prouver, hein, c'est quelque chose dont on discute. Mais en tout cas, peut-être que ces, on va dire, 40 sépultures intentionnelles primaires du Gravettien reflètent, peut-être pas une hiérarchie sociale, mais en tout cas des pratiques sociales qui renvoient à la structuration des sociétés paléolithiques à ce moment-là. Voilà pour ce reportage au Musée de l'Homme avec Roland Nespoulet, la rencontre de cette dame du Cavillon. Alors, une réaction éventuellement à ce reportage, Sophie de Beaune? Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit M. Nespoulet à propos de l'organisation sociale, dont on sait peu de choses. Mais malgré tout, on peut se rendre compte que le fait qu'il y ait des enfants, et même de très jeunes enfants dans certaines sépultures, peut indiquer une sorte de hiérarchie sociale, ou en tout cas indiquer que certaines familles, certaines lignées avaient un statut différent des autres. Pourquoi ? Parce qu'un enfant très jeune, un bébé, ne peut pas avoir fait ses armes. Et donc, si on le retrouve couvert d'ocre avec une parure, ce n'est pas pour ses mérites personnels, mais c'est parce qu'il appartient à une famille plus puissante, ou peut-être qui a un rôle différent des autres. Et il y a un chercheur canadien qui s'appelle Brian Hayden qui a fait l'hypothèse qu'il y avait des sociétés, donc c'était des chasseurs-cueilleurs, hein, bien sûr, je rappelle, et des sociétés qu'on pourrait rapprocher des Indiens de la côte nord-ouest des États-Unis, où il y a certaines familles qui contrôlent les zones les plus riches en poissons, puisque ce sont des pêcheurs, en l'occurrence, ces Indiens. Ils pêchent beaucoup le saumon. Et donc ces familles contrôlent les zones de reproduction des saumons. Et donc, on peut transposer en faisant une supposition, on reste dans la supposition, bien entendu, que certaines familles contrôlaient les zones les plus giboyeuses, les plus riches en gibier ou en autres ressources naturelles. Éric Rubézy, une réaction à ce reportage et à cette notion déjà, dès le paléolithique, d'une variété dans les pratiques funéraires ? Oui, de toute façon, quand on étudie les différentes sociétés à travers le monde, il n'y a aucune société, même à l'heure actuelle, où il n'y ait qu'une seule pratique funéraire, de façon assez stupéfiante. Et par ailleurs, au paléolithique supérieur, comme l'ont précisé les invités, les sociétés étaient très petites. Et étant très petites, certains traits culturels pouvaient diffuser très vite et changer surtout très vite. Et ce qui fait que des éléments économiques, parce que quand on parle de Gravettien, on fait appel à tout un ensemble d'éléments, soit économiques, soit en relation avec plutôt la parure et l'art. Ça pouvait rester assez stable sur de grandes distances, tandis que sur des petites distances et sur des très grands laps de temps, on pouvait certainement avoir une très grande distinction, différence qui se met en place. Par ailleurs, Éric Rubézy, est-ce que l'analyse de ces fossiles qui ont été retrouvés peuvent nous donner des indices à la fois sur le mode de vie, mais aussi sur le mode de mort, ou en tout cas sur les causes pathologiques de mort de ces individus qui ont été retrouvés, enterrés ? Alors, c'est une question qui a été posée, vous parliez de Sungir tout à l'heure. Hein. Mm-hmm. C'est une sépulture qui a bénéficié d'analyses génomiques poussées en 2017 de la part de Seguin Rolando, et pour lesquelles on a pu montrer qu'il y avait un adulte et deux enfants. Les deux enfants sont deux garçons, et ils n'ont aucune relation de parenté entre eux. C'est déjà quelque chose qui est assez étonnant, parce que on pouvait penser à une même famille, d'un point de vue, je dirais, archéologique. Or, en fait, ils n'ont aucune relation de parenté entre eux, même s'ils sont plutôt proches génétiquement, ce qui montre qu'ils sont issus d'un même groupe, si vous voulez. Et en ce qui concerne les causes de décès, on n'a pas pu élucider les causes de décès de Sungir, parce qu'il y avait deux sujets qui présentaient des anomalies crâniennes que certains auteurs avaient attribuées à des pathologies congénitales, mais elles n'ont jamais pu être précisées. Mais en revanche, tout à l'heure, on parlait par exemple des grottes de Grimaldi. Oui. Et bien, dans ces grottes de Grimaldi, on a des enfants notamment, et ils ont été tués ils ont reçu des ancêtres, si vous voulez, des pointes de flèche. Et donc, on a de temps en temps des exemples de sujets qui ont été tués, qui ont été tués de façon violente. Oui, des traces de violence déjà. déjà très, très oui. violente. Ce qui pose effectivement la question de savoir est-ce que tout le monde était inhumé, est-ce que certains sujets pouvaient être inhumés plus que d'autres. Il y a toute cette question de la différenciation sociale, mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on étudie les pratiques funéraires dans des populations traditionnelles, peuvent faire l'objet de sépultures, d'une part des sujets qui sont privilégiés, mais mm-hmm. aussi des sujets qui ont eu des morts particulières. Et à ce moment-là, on va parler par exemple de sépultures de relégation, c'est-à-dire des sujets qui sont décédés d'une certaine façon. Et donc la société ne souhaite pas qu'ils soient inhumés comme les autres, ou en tout cas qu'ils disparaissent comme les autres. Et donc on peut avoir par exemple au Delgravesien un mélange, si vous voulez, de ces différents types de pratiques, c'est-à-dire des sujets qui sont très valorisés, à côté d'autres sépultures qui peuvent être par exemple des sépultures de relégation. Sophie de Beaune, sur ces questions d'interprétation, je vous en prie, allez-y, vous voulez y rajouter quelque oui, chose. Oui, je voulais juste ajouter que, effectivement, dans certaines tombes, là, à Sungir, l'ADN a montré qu'ils n'étaient pas apparentés, mais parfois c'est l'inverse, puisque à la Barma Grande, au contraire, il y a deux adolescentes et un adulte enterrés dans la même tombe, c'est une sépulture triple, et apparemment, d'après les analyses ADN, ils seraient apparentés. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est une période très longue, ça se passe sur un territoire très vaste, et il n'y a aucune raison que les pratiques étaient les mêmes partout et sur toute cette longue période, en fait. Alors, on a posé le décor de tous ces gestes funéraires. On a compris qu'on pouvait comprendre pas mal de choses, mais il se pose invariablement avec la préhistoire la question épineuse du pourquoi à laquelle c'est impossible d'apporter une réponse. Alors, est-ce que je peux quand même vous poser cette question du pourquoi les hommes, Homo sapiens, homme de Néandertal, ont, à partir d'un moment donné, enterré leurs morts? Alors, on ne peut pas dire que ce soit pour des raisons religieuses, tout simplement parce que la religion ne se fossilise pas, et donc on n'a aucune preuve qu'ils aient eu une religion ou des croyances en l'au-delà. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils avaient des pratiques, des usages partagés vis-à-vis des morts. Donc des pratiques sociales impliquant des règles, des normes concernant les morts. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quelles sont ces normes, essayer de les comprendre. Et là, c'est très compliqué, et j'en ai discuté il n'y a pas tellement longtemps avec Bruno Morey, qui est donc à Bordeaux, au laboratoire de Bordeaux, et qui a beaucoup travaillé sur les Néandertaliens, et il a remarqué quelque chose que je trouve intéressant. Alors évidemment, il faudrait creuser la question pour voir si ça se répète ailleurs, mais il a remarqué qu'il y a très souvent des enfants, c'est-à-dire que la proportion d'enfants est importante parmi les inhumés, les 40 inhumés, ou la quarantaine d'inhumés, mais néandertalien, et également à Shanidar, donc qui est un site dans le nord de l'Irak, Kurdistan irakien, pardon. On a 9 individus, dont plusieurs sont invalides. Et par ailleurs, on s'est rendu compte que très souvent, les inhumés néandertaliens étaient inhumés dans l'habitat ou à proximité très très immédiate de l'habitat. Et donc lui fait l'hypothèse que c'était les gens qui étaient dépendants et finalement qui étaient ne pouvaient pas se déplacer, les plus faibles, les plus vulnérables, qui ont été enterrés en relation avec l'habitat. Alors c'est intéressant, mais le problème c'est qu'il y a trop peu d'exemples pour pouvoir le généraliser, et il faudrait voir si c'est quelque chose de plus constant ailleurs, mais je trouve ça intéressant. Mais ça pourrait vouloir dire aussi qu'on enterrait les gens là où ils mouraient. Et donc les personnes invalides mouraient dans l'habitat ainsi que les bébés, les autres mouraient ailleurs, et du coup on n'a pas retrouvé leur sépulture, ou peut-être leur corps était-il abandonné aux vautours. Vous évoquez le site de Shanidar, c'est intéressant parce que c'est un autre site aussi où on a pu établir la présence de fleurs en lien avec les gestes funéraires. Oui, alors c'est Madame Leroy-Gourhan, Arlette Leroy-Gourhan, donc qui était une grande palynologue, qui a un peu inventé la discipline, en tout cas pour l'archéologie, qui avait fait ses analyses dans les années 60 ou 70. Elle avait mis en évidence des pollens de fleurs dans la tombe d'un individu de 35-45 ans à Shanidar. Et fleurs donc qui auraient été déposées au fond de la fosse, et l'individu aurait été déposé sur un lit de fleurs d'un certain nombre d'espèces, et les pollens étaient non libérés des pistils, ce qui veut dire que les fleurs étaient ouvertes, hein, c'était vraiment des fleurs. Et donc un certain nombre de couleurs, bleues, roses, des roses trémières, des aquilées, des bleuets, etc. Et dont certaines seraient peut-être des plantes médicinales. Alors, il y a quelque temps, il y a peut-être un an ou deux, il y a des gens qui ont contesté cette hypothèse, mais il semble bien qu'elle ait fait son travail sérieusement et que les pollens n'étaient pas présents dans le remplissage de la grotte, il n'y en avait pas ailleurs, et il y en avait uniquement à cet endroit-là. Donc on aurait bien ici une attention particulière aux morts. Là encore, je n'ose pas parler de religion, puisqu'on ne sait pas si c'est ça un caractère religieux, mais en tout cas une attention particulière vis-à-vis de ce mort. Éric Rubézy, sur cette question de la difficile interprétation des premiers gestes funéraires, pour vous, est-ce qu'on peut déjà parler d'une forme de symbolisme rituel, de religiosité ? Alors, de religiosité, non, parce que, si vous voulez, ce qui se passe quand quelqu'un décède, d'une façon générale, hein, c'est qu'il y a trois étapes qui vont se passer. C'est que, premièrement, il faut voir le corps pour réaliser que le sujet est décédé. Et c'est des éléments qui ont un substrat neurobiologique. Ensuite, il faut le cacher pour, justement, pouvoir enclencher le deuil, parce que la vision de celui qui est décédé pour ses proches, est non pas insoutenable, mais en fait, elle pose énormément de questions d'un point de vue, là aussi, biologique. Parce que quand on regarde quelqu'un, il faut penser qu'on ne le voit c'est pas simplement une transmission de photons sur la rétine et qui vous donne une image de quelqu'un. En fait, on le perçoit de façon complète et avec son histoire, ce qu'on ressent. Et au niveau cérébral, quand quelqu'un décède, on ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, la personne qu'on a devant soi, si vous voulez, n'existe plus. Mais le corps est toujours là. Et donc ça, c'est excessivement gênant. Et donc il va falloir cacher ce corps. Et une fois que le corps est caché, il va se produire un processus de deuil. Et qu'est-ce que c'est justement faire son deuil ? C'est recréer ce personnage qui a disparu. Et justement, dans cette interprétation des sépultures anciennes, on peut se poser ces questions qui sont comment le sujet a été vu. C'est la question qui se pose, par exemple, depuis le début de l'émission. Est-ce qu'il a été... Quand on inhume quelqu'un, par exemple, avec comme Sungir, avec toutes ses parures, on peut être à peu près sûr que c'était pas sa tenue quotidienne. Oui. D'accord ? L'enfant de Sungir, il se promenait pas certainement en permanence avec ses perles, etc. Oui. Et donc là, il y a quelque chose, si vous voulez, qui est véritablement, je dirais, comment on veut qu'il soit resocialisé. Et on voit très bien que les enfants de Sungir, ils ont été resocialisés d'une façon où on leur donnait de l'importance. Donc comment ils ont été vus, ensuite comment ils ont été cachés. Dans le cas de Sungir, on voit qu'ils sont cachés avec un mobilier qui est assez extraordinaire et, je dirais, inhabituel. Et ça, c'est un... Au niveau de l'interprétation, on ne peut pas parler d'offrande ou autre. Ce qu'on sait, c'est que quand quelqu'un décède, il se passe ce qu'on appelle le don. C'est-à-dire qu'on va faire don de sa tristesse, on va faire don de son temps. Et à l'heure actuelle, les États et les religions ont profondément organisé ces éléments. Hein. Tandis que dans d'autres sociétés, là, on va faire don justement d'objets prestigieux. On fait don d'objets prestigieux pour montrer effectivement l'importance, mais c'est aussi pour marquer la rupture. On se met en deuil. Et ensuite, si vous voulez, il va y avoir cette phase où le sujet va être métamorphosé par ses proches en défunt. Et pour être métamorphosé par ses proches en défunt, c'est là qu'on a deux types de sépultures. On a celle qui laisse une trace. Et pour les proches, qu'on retourne ou pas sur la tombe, on sait qu'il y a un avant et un après, mais on sait que le sujet est là. Et il y a celle qui ne laisse pas du tout de trace, c'est-à-dire le sujet qui va être, éliminé, l'abandon du corps au vautour, jeté à la mer, etc. Et donc on a ces deux types de pratiques qui sont totalement différentes. Et l'interprétation qu'on peut tenter, si vous voulez, elle se pose non pas justement à essayer de savoir s'il y avait une religion ou pas, parce qu'on connaît par exemple en Terre de Feu des sujets qui inhumaient leurs morts, mais apparemment ils n'avaient pas de Dieu très bien caractérisé, ni de religion. Mais il y a cette question, si vous voulez, c'est de la société qui prend en charge le corps pour justement soulager les proches. Et donc c'est un élément qui est essentiellement social, la sépulture. Et ensuite, pour les proches, ce qui se passe avec la question effectivement du deuil, c'est-à-dire recréer cette histoire. Ce que j'ai pu écrire, hein, c'est qu'avec la sépulture, il n'y a pas de sépulture préhistorique, puisque votre émission porte sur les sépultures préhistoriques, il n'y a pas de sépulture préhistorique, puisqu'avec la sépulture, l'histoire a déjà commencé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, une sépulture, c'est le fait de pouvoir, une fois qu'on s'est séparé du corps, rendre compte. On commence à l'imaginer, si vous voulez, voire à en parler, Et la personne n'étant plus là, effectivement, ben on construit une nouvelle histoire, si vous voulez. Et donc on parle de quelqu'un qui n'est plus, et parler de quelqu'un qui n'est plus, c'est faire de l'histoire, en fait. D'accord ? Et donc on se situe dans cet élément, il n'y aurait pas de sépulture préhistorique, puisqu'avec la sépulture, l'histoire, le fait de ceux de parler qui ont déjà, de ceux qui ont déjà vécu auraient déjà commencé. Sophie de Beaune, le temps file, alors j'aimerais maintenant qu'on passe à présent du paléolithique au néolithique. Pourquoi, à partir du néolithique et de la sédentarisation, le geste funéraire, la pratique funéraire et la sépulture se généralisent? Et pourquoi là, vraiment, la machine est enclenchée véritablement? Alors, il y a une explication qu'on avance souvent. C'est d'abord, il y a un boom démographique, il y a beaucoup plus de monde. Les populations du mésolithique, alors je rappelle que ce sont toujours des chasseurs-cueilleurs, mais qui sont beaucoup plus nombreux. On est au début de l'Holocène, c'est-à-dire au début de la période de réchauffement dans laquelle on est encore aujourd'hui. Donc l'environnement change. La steppe recule, la forêt avance, les populations sont beaucoup plus morcelées, les groupes humains sont beaucoup plus morcelés. Ils ont des modes de vie toujours basés sur la chasse, la cueillette, voire la pêche aussi. Il y a beaucoup de populations côtières au bord des lacs, au bord des fleuves, au bord de la mer, des océans. Et donc on a, disons, des modes d'appropriation des ressources beaucoup plus diversifiés qu'auparavant. Et on va avoir aussi des modes d'occupation du territoire assez diversifiés. Et on commence à trouver des populations qui se sédentarisent, tout simplement parce qu'aux endroits où on a de quoi manger toute l'année, si on est devant la mer, on a les ressources maritimes, hein, les crustacés, les poissons, etc. On se retourne derrière soi, on a de la montagne avec du gibier, etc. On a à peu près tout à portée de la main, on n'a pas besoin de se déplacer finalement. Et donc on voit petit à petit, dans certaines régions en tout cas, les populations s'installer dans des campements permanents, qui vont petit à petit devenir des villages en dur. Et là, on voit apparaître les nécropoles, c'est-à-dire les cimetières. Tombes collectives, voilà. Ouais, des tombes ça. Avec, donc on enterre de nouveaux morts à chaque fois, comme dans nos cimetières actuels, en fait. Et on voit apparaître aussi à on ce on voit apparaître aussi l'inhumation. Oui. C'est-à-dire que, comme disait très bien tout à l'heure Éric Rubézy, il y a à cette époque-là aussi bien de l'incinération, plutôt de la crémation, et de l'inhumation. Les deux pratiques sont connues, parfois même dans le même site. On a les deux pratiques, comme chez nous aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Les deux pratiques coexistent, parfois même au sein de la même famille. Et c'est aussi à cette période-là qu'on voit apparaître les premières traces de violence collective. C'est ça, puisque auparavant on a des traces rares, c'est vrai, mais on a quelques traces de violence interpersonnelle. Il y a une étude qui vient juste d'être publiée d'un crâne qui a été retrouvé dans un site roumain. On va la publier sur le site. Oui, datée de 30 000 ans. Le crâne de Sioclovina, en Roumanie, avec des traces d'impact qui ont pu être analysées avec des techniques d'imagerie 3D qui ont montré que, bon, le crâne était connu depuis longtemps, mais c'est cette analyse qui a été faite très récemment, qui ont montré que l'homme était mort d'un certain nombre de coups assénés sur sa tête. Or, au Mésolithique, là, on a affaire à des traces de massacres, c'est-à-dire des populations hommes, femmes et enfants et vieillards, c'est-à-dire tout âge et les deux sexes confondus, victimes de violences à grande échelle, puisqu'on a par exemple le site de Jebel Saaba au Soudan, avec une cinquantaine, même presque 60 personnes qui ont été tuées. Très violemment. Voilà. On aura l'occasion de reparler de tous ces sujets, puisque c'est éternel et infini. Merci beaucoup à vous deux, Sophie de Beaune et Éric Rubézy, d'être venus nous éclairer sur ces premières traces des pratiques funéraires et sur leur évolution. Merci beaucoup aux équipes de France Bleu Gironde pour le duplex du jour depuis Bordeaux. Un grand merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, à Vétienne, Alexandra Delbo, Mathieu Lefrançois, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Clément Salzard, Céline Lausanne, à la réalisation Émilie Vallat, la technique aujourd'hui Alexandre Dang. Demain, dans la méthode scientifique, ce sera une table ronde actualité avec la fine équipe des chroniqueurs du vendredi, on reviendra sur les sujets que nos auditrices et auditeurs nous ont proposés sur Twitter. Rendez-vous demain à 16h pour cette farandole de sujets scientifiques.